Le silence est trop lourd, je sens des regards derrière moi. Les gens sont lâches et puis sourds, ils t'ignorent aussi des fois. Ils te montrent un sourire qui n'est certes pas le leur. Tu crois que tu peux rire, mais en fait tu as peur. Ces gens me stressent si je ne fais pas semblant. À l'ombre de leurs soucis, les gens ne prennent plus leur temps. Marche vite, c'est comme ça que font les gens. Les gens courent derrière moi. Mon Dieu, ça me rend malade de les voir pressés et sans foi. Plus rien ne les fait vivre à part l'usine d'à côté. À vue d'œil, ils sont ivres de n'avoir jamais aimé. Bien sûr, j'ai mal aussi, je ne fais pas semblant. À l'ombre de leurs soucis, les gens se meurent lentement. Marche vite, c'est comme ça qu'ils versent leur sang.